mais sans blâme, on fait pas semblant. On met de la coupe dans sa billet, le bagage est souple, la coupe c'est simple. Vu quand ça passe, faut ses appuis. Trop trop qu'on changeait depuis que je suis coté. Soyons les raclis et terrain à côté. Toujours la même quête, le respect, ça coûte. C'est t'allumes, on t'allume ta mère, on est quitte. Encore un trou, sa mère. On le bouge avec le bénéfice. J'ai un doute, je le viscère pas. J'espère mon intuition et mon flair. Elle va bien fuir, elle a pas de fleurs. T'es pas plus fort, y'a toujours plus fou. T'es pas plus fort, y'a toujours plus fou. C'est elle qui te fait, mais c'est elle qui te fume. J'suis carré tout au fond du bendo. Je me fais l'arsa par Brenda. Au dodo, je fume 4B d'auto. On accélère au total. Ici à tous les postes, la charbonne. Rien que ça transpire, on se la donne. C'est chaud. Pas sûr qu'on soit sur ta tête. C'est chaud. Et on commence, y'a la toile. C'est chaud. Au dodo, je fume 4B d'auto. Je me fais l'arsa par Brenda. Au dodo, je fume 4B d'auto. Je me fais l'arsa par Brenda. Au dodo, je fume 4B d'auto. Je me fais l'arsa par Brenda. Au dodo, je fume 4B d'auto. Je me fais l'arsa par Brenda. Dans la musique et je suis dans la street. Encore un qui cause qui gratte une toffe. À la tête d'un commerce à but lucratif. Ritalic dans ses gonflés, les fonds à domp. Elle se cambre comme une folle. Je serai couleur TF. On n'est pas venu pour ta fête. Liquider le reste du dessin. Je suis dans un 4x4, gros comme un avion. Je suis dans un gros cul comme les Kiminaj. Va l'écoute des ongles, va faire le ménage. Bétape la bugue qui zigoule les ménages. Pour 20 euros, y'a de la drogue qui accélère ton cœur comme un manège. Dedans depuis gamin, guette, c'est pas trop du four qui me manège. J'suis carré tout au fond du bendo. Je me fais l'arsa par Brenda. Pour dodo, je fume 4B d'auto. On accélère au total. Ici à tous les postes, la charbonne. Rien que ça transpire, on se la donne. C'est chaud. Pas sûr qu'on s'en sorte un tel. C'est chaud. Et on commence, y'a la toile. Pour dodo, je fume 4B d'auto.